Deuxième livre des rois, chapitre 24. De son temps Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre Jéhojakim, et Jéhojakim lui fut asservi l'espace de 3 ans, puis ayant changé de volonté, il se rebella contre lui. Et l'Éternel envoya contre Jéhojakim des troupes de Chaldéens, et des troupes de Syriens, et des troupes de Moab, et des troupes des enfants de Ammon, il les envoya, dis-je, contre Juda, pour le détruire, suivant la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée par le moyen des prophètes ses serviteurs. Et cela arriva selon le mandement de l'Éternel contre Juda, pour le rejeter de devant sa face, à cause des péchés de Manassé, selon tout ce qu'il avait fait, et à cause aussi du sang innocent qu'il avait répandu, ayant rempli Jérusalem de sang innocent, c'est pourquoi l'Éternel ne lui voulut point pardonner. Le reste des faits de Jéhojakim, tout ce, dis-je, qu'il a fait, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Ainsi Jéhojakim s'endormit avec ses pères, et Jéhojachin son fils régna en sa place. Or le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, parce que le roi de Babylone, avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate. Jéhojachin était âgé de 18 ans quand il commença à régner, et il régna 3 mois à Jérusalem, sa mère avait nom Nusta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel, comme avait fait son père. En ce temps-là les gens de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Et Nebuchadnezzar roi de Babylone vint contre la ville, lorsque ces gens l'assiégeaient. Alors Jéhojachin roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui, sa mère, ses gens, ses capitaines, et ses eunuques, de sorte que le roi de Babylone, le prit la 8e année de son règne. Et il tira hors de là, selon que l'Éternel en avait parlé, tous les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors de la maison royale, et mit en pièces tous les ustensiles d'or que Salomon roi d'Israël, avait fait pour le temple de l'Éternel. Et il transporta tout Jérusalem, savoir, tous les capitaines, et tous les vaillants hommes de guerre, au nombre de 10 000 captifs, avec les charpentiers et les serruriers, de sorte qu'il ne demeura personne de reste, que le pauvre peuple du pays 15. Ainsi il transporta Jéhojachin à Babylone, avec la mère du roi, et les femmes du roi et ses eunuques, et il emmena captifs à Babylone tous les plus puissants du pays de Jérusalem. Avec tous les hommes vaillants au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1 000, tout puissants et propres à la guerre, lesquels le roi de Babylone, emmena captif à Babylone. Et le roi de Babylone établit pour roi, en la place de Jéhojachin, Matania son oncle, et lui changea son nom, l'appelant Sédécia. Sédécia était âgé de 21 ans, quand il commença à régner, et il régna 11 ans à Jérusalem, sa mère avait nom Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui déplaît à l'Éternel comme avait fait Jéhojakim. Car il arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, afin qu'il les rejetât de devant sa face, que Sédécia se rebella contre le roi de Babylone.